sable ou la poussière. Il est né d'un fleuve attendu par ma soif, qui si étanche, que l'eau qui s'ouvre et s'épanche de la source où tu as bu. La seule fleur qui m'attire est celle où je trouverai le souvenir en pourpré de ta bouche et de ton rire. Et sous la courbe des cieux, la mer pour moi m'est-il.